Adolf, mon Dieu, Adolf, mon héros, Adolf, mon héros. C'est le pogo dans les camps, qui dansait, qui dansait. C'est le pogo qui dansait dans les camps. J'ai des adultes d'avancer, ce qui allait transformer la terre. Adolf, mon Dieu, je t'en prie, Adolf, mon héros, ah bah oui, mon Dieu, prends ma chatte, oh je t'en prie, oh je t'en le plaisir qui c'est l'utile du sexe, Adolf, ah oui, ah je t'en bon, Adolf, ah de moi tes liqueurs, ah oui, ah oui, glisse ta petite quéquette dans ma chatte, ah oui, ah oui, ma chatte, Adolf, Adolf. Mets-toi à quatre pattes, Adolf, je t'en prie. Ah, ah, c'est bon. Adolf, Adolf, Adolf, Adolf.